Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Tous en scène, Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui la carrière et la vie de Fred Astaire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je fais partie des millions de spectateurs qui, depuis des générations maintenant, adorent se laisser hypnotiser par le pas glissant, allusif, aérien, magique de Fred Astaire et de ses compagnes de danse. Vous parler de lui est un plaisir et d'autant plus que nous allons le faire cet après-midi en compagnie du passionnant Alain Rioux qui nous fait la joie d'être avec nous. Et c'est une très jolie façon de finir la semaine. Thierry Geoffrotin sera aussi avec nous. Oui, on va le voir surgir tout à l'heure dans le studio avec sa canne et ses souliers vernis pour un de ses numéros de claquettes dont il a le secret. Allez, place au grand spectacle. C'est l'une des scènes clés de Tous en scène, une des plus grandes comédies musicales hollywoodiennes, signée Vincente Minnelli. Bien sûr, on est en 1953, un homme et une femme marchent dans Central Park à la nuit tombée. Ils sont censés partager bientôt l'affiche d'un spectacle qui est en préparation, mais ils ne se comprennent pas, ils viennent même d'avoir une grosse dispute. Il faut dire qu'ils sont très différents, hein. Elle est une ballerine classique, jeune d'une beauté sculpturale. Lui est un acteur sur le retour, déjà un peu âgé, aux références un peu datées. Selon toutes les apparences, ces deux-là n'appartiennent pas au même monde. Et alors qu'ils sont là comme ça en train de marcher, une musique se fait entendre au loin. Puis la femme, presque sans y penser, esquisse quelques pas de danse. L'homme fait de même, un petit peu timidement. Et puis soudain, ils se retrouvent face à face. Un regard suffit. Et les voilà qui se mettent à danser dans un seul élan. D'abord en gardant une certaine distance et puis ensemble, vraiment ensemble. Aucun mot n'est nécessaire. Ils se répondent sans effort. Leur conflit appartient maintenant au passé. Il paraît évident qu'ils ont franchi toutes les barrières. Ils sont faits pour s'accompagner et même, pourquoi pas, pour s'aimer. Tout l'art de Fred Astaire, ici accompagné de Sid Charis, est présent dans cette scène. Tout son art, son élégance aérienne, sa légèreté, l'illusion qu'il donne de naturel, d'extrême facilité. Quand Tous en scène sort, ce danseur d'exception qui a 54 ans à l'époque et qui est une star de cinéma très établie, mais une star un peu différente des autres. Disons que Fred n'est pas très beau avec son visage ovale, ses grandes oreilles, son crâne dégarni et sa silhouette un peu fluette. Il n'est pas non plus un acteur à la gamme exceptionnelle, mais il porte une magie unique, une délicatesse, une subtilité qui lui ont permis de conquérir Hollywood auprès d'un travail intense et de remise en cause assez profonde. Tout a commencé en 1899. Frédéric Austerlitz, c'est son véritable nom, naît à Omaha, dans le Nebraska. On est donc en plein dans l'Amérique profonde, si vous voulez. Dans le Middle West, son père, qui s'appelle aussi Frédéric, vient d'Autriche. Il n'a immigré que depuis quelques années et il travaille à l'époque pour un brasseur. Il a épousé une jeune fille d'origine alsacienne, Anne, avec qui il a eu une fille, Adèle, 18 mois avant la naissance de Fred. Donc une famille assez simple, paisible. Adèle, comme beaucoup de petites filles, est bientôt inscrite dans un cours de danse. Ça pourrait être une simple occupation, mais ça devient beaucoup plus que ça, parce que très vite, elle épate ses professeurs. Elle a un sens inné de la danse. Et le petit Fred, lui, qui est encore vraiment tout petit, observe à l'occasion sa sœur, les camarades de sa sœur, et bientôt, il se met à faire pareil. Il joue aux danseurs, si on veut. Les choses en sont là quand, en 1904, un événement frappe de plein fouet la famille Austerlitz. Des mouvements pour la prohibition de l'alcool portés par les milieux religieux prennent de l'ampleur à Omaha, et à tel point que la fameuse brasserie qui employait Frédéric va être touchée. Les Austerlitz sont désemparés. Ils auraient évidemment été obligés de réévaluer leur avenir à ce moment-là. Voilà ce que nous dit Bob Thomas. Anne et Frédéric passèrent des nuits entières à discuter avant de prendre une décision. Ils étaient persuadés que le talent de la petite Adèle méritait une formation plus poussée qu'à Omaha. Anne emmènerait les deux enfants à New York et Frédéric resterait à Omaha pour travailler et assurer leur subsistance. C'est pas une idée évidente, hein. On peut même dire que c'est une idée un peu folle. Et des proches le leur disent d'ailleurs. Seulement, les deux parents n'en démordent pas. Leur fille possède ce qu'il faut pour percer. C'est ainsi qu'à même pas 5 ans, le petit Fred va changer d'univers. Le voilà maintenant plongé dans le New York en plein boom de ce début de XXe siècle. Sa mère l'envoie à l'école de danse avec sa sœur. C'est plus simple pour s'organiser, hein. Puis il faut reconnaître que Fred ne se débrouille pas si mal non plus. Anne stimule l'ambition de ses enfants. Vous avez bien compris que tout est subordonné à la réussite des enfants dans cette famille. Elle leur fait découvrir des spectacles à Broadway. Le petit Fred en prend plein les yeux. Et en parallèle, Madame Austerlitz veille à leur instruction. Elle les encourage sans les forcer. Mais c'est la maman idéale, vous allez me dire. Les mois passent. Fred et Adèle prennent l'habitude de danser ensemble. Ils prennent le nom d'Aster, qui est nettement plus élégant qu'Austerlitz, évidemment. Et bientôt, ils sont mis en avant lors de représentations au sein de l'école de danse. Je cite encore Baum Thomas. Tous deux, et plus spécialement Adèle, semblaient si naturellement doués que le directeur estima qu'ils pourraient très bien se produire tout de suite. Sur ses propres économies, Madame Austerlitz acheta alors costumes et accessoires. Adèle et Fred devaient jouer un couple de mariés miniatures en robe de satin et lui, fatalement, en haute forme, habit et cravate blanche. Deux pièces montées avec lumières électriques et clochettes constituaient le décor. On l'imagine, hein, ce numéro d'école qui est très applaudi frénétiquement. Et dès lors, le directeur n'y va pas par quatre chemins. Il conseille à Madame Austerlitz de diriger dès à présent Adèle et Fred vers le music hall, ce qu'on appelle aux États-Unis le vaudeville. On peut imaginer la joie de la maman. Les enfants sont quasi danseurs professionnels. On va trouver un engagement dans une petite ville du New Jersey. Adèle et Fred rejouent leur charmant petit numéro d'enfants mariés. Ils déclenchent encore une fois un tonnerre d'applaudissements, enthousiasme extrême. C'est un début, vous allez me dire, modeste, mais un début très prometteur. Un extrait de la bande originale du film musical La Joyeuse Divorce est sorti en 1934 avec, bien sûr, Fred Astaire et celle qui a formé un duo mythique avec lui, Ginger Rogers. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous parlez de l'un des plus célèbres danseurs du XXe siècle, l'élégant Fred Astaire. Élégantissime. Le très élégant Fred Astaire. Il s'est mis à la danse très jeune, on l'a vu, avec sa sœur Adèle. Dès l'enfance, il forme un duo professionnel, très applaudi, les Astaire. Alors avant de connaître la suite de l'histoire, vous avez dit qu'il se lançait dans le vaudeville, mais je crois que ce mot n'a pas la même définition en France et aux États-Unis. Non, en France, le vaudeville, c'est un genre théâtral. Vous savez que les portes qui claquent et les amants dans les le placard, en fait. Ouais. Oui, voilà. Aux États-Unis, ce sont des spectacles de music-hall avec une suite de numéros différents, ce qui fait qu'on voit des jongleurs, des acteurs, des danseurs, etc. Il y en a qui font même un peu tout à la fois. C'est ce qu'on appelle l'école américaine, et c'est un genre très populaire au milieu, certes, mais même au début du XXe siècle. Et c'est un creuset de talent. Adèle et Fred font... Tous les grands comédiens qu'on connaît du cinéma muet sortent plus ou moins de cette école-là. Et alors, ils vont faire... Pas tous, mais certains en tout cas. Adèle et Fred font leur premier pas dans cet univers. Leur père les rejoint temporairement pour les aider à trouver des engagements prestigieux. Et ça marche. Et ils sont recrutés pour une tournée renommée. Ça, c'est la meilleure école possible. Ils se produisent souvent trois fois par jour. Il arrive même qu'on joue quatre fois dans la journée, vous imaginez. Ce qui leur permet aussi de se familiariser à d'autres disciplines. Ils voient ça en coulisses, ils partagent la vie des artistes. Les deux enfants, cependant, ne grandissent pas à la même vitesse. Fred est un temps beaucoup plus petit que sa sœur. Et le couple devient quand même à la limite du comique. Ils doivent aussi s'arrêter un petit peu pour leur scolarité. Le défi, ça devient de trouver pour leur retour un numéro qui soit plus adapté à leur âge. Ça marche un peu moins bien, il faut bien le dire. Ils vont devoir se rabattre sur des tournées de deuxième ordre, voire de troisième. Ils sont mal payés. Ils vont subir toutes sortes d'humiliations. On leur fait ouvrir les spectacles. Ça, c'est très dur, hein, à froid devant un public qui n'est pas du tout prêt. Ils doivent céder la loge principale d'un théâtre à des chiens, vedettes du numéro qui suit le leur, vous imaginez. Adèle et Fred ne baissent pas les bras, ils travaillent beaucoup. Fred, cependant, a peu confiance en lui, il manque encore de personnalité, sa sœur lui paraît meilleure. Et sur scène, c'est elle, disons-le, que l'on remarque et que l'on applaudit. Fred, qui est en pleine crise d'adolescence, voudrait trouver lui un style plus masculin, si vous voulez, et un numéro qui soit plus élaboré. La famille Austerlitz finit par recruter un spécialiste du monde du spectacle qui va essayer de les aider. Et ça, c'est la clé qui leur manquait. Ils vont apprendre à danser, à chanter dans un style nettement plus élégant, plus original. C'est un travail qui paie, puisque dès 1915, leur nom, de nouveau, circule dans les théâtres nettement plus renommés. Ils vont renouer avec le succès, sont engagés pour une revue à Broadway en novembre 17. Ça, c'est le pas décisif, si j'ose dire, pour parler de danseurs. Adèle et Fred, à l'approche de la vingtaine, vont se tailler une incroyable réputation. Des revues, ils sont passés à la comédie musicale proprement dite, et notamment sur des airs de Gershwin, vous avouerez qu'il y a pire. Les Astaire vivent, c'est vrai, encore quelques échecs, mais ils sont maintenant des têtes d'affiche. Ils gagnent très bien leur vie. Dans les années 20, ils vont travailler entre New York et Londres. On voit dans la salle des gens très importants, même la famille royale britannique vient les applaudir. Et à cette époque, Fred travaille à des numéros en solo. Il se met intensément aux claquettes. Il va chorégraphier certaines de ses danses. Il est très, très assidu, d'un perfectionnisme ahurissant. De son côté, Adèle ne suit pas le rythme, si je puis dire. Elle se relâche un peu, elle pense à un autre avenir. Elle est amoureuse, il faut vous dire, d'un lord, un lord britannique. Hein, et après un premier triomphe scénique avec Fred en 31-32, elle décide tout simplement, pour aller se marier, de tout arrêter. Et Fred comprend, bien sûr. Seulement pour lui, c'est un gros défi. Jusqu'ici, c'était Adèle et Fred. Est-ce qu'il peut réussir tout seul, sans sa sœur ? Début de réponse avec une comédie musicale qui s'appelle The Gay Divorce, sur des partitions de Cole Porter, dont le fameux Night and Day, écrit pour Fred et qui le laisse dans un premier temps assez dubitatif. Succès mitigé, il faut bien le dire. Évidemment qu'Adèle manque, et manque cruellement, mais assez vite, les critiques vont se taire. Le public se déplace. À cette époque, Hollywood s'intéresse de près aux vedettes musicales de Broadway. Fred et Adèle avaient déjà été approchés, hein, au temps de leur duo. Au début de 1933, Fred est en quête de nouveaux horizons et il décide donc de repasser un essai pour la RKO en l'occurrence. Le mémo qui en résulte n'est pas glorieux. Ne sait pas jouer, ne sait pas chanter, devient chauve, danse un peu. Oula, c'est dur ça. Danse un peu, vous rendez compte. Mais le directeur du studio, qui n'est autre que le célébrissime David O. Selznick, est un peu plus avisé. Certes, Fred n'a rien d'un jeune premier, mais il possède un talent, une classe, un charme sur lequel on doit pouvoir miser. Et pendant l'été 33, Fred va convoler en juste noces avec une jeune femme à peine divorcée qui s'appelle Phyllis Livingston. Et ça lui donne une sorte d'aisance supplémentaire. Il va commencer un tournage, il a 34 ans à ce moment-là, et on peut dire que c'est une nouvelle page de sa vie qui s'ouvre. La transition n'est pas facile, hein. Il reste quand même pas toujours très sûr de lui. Et en voyant son premier film, il va noter « Danse lourde, visage grotesque ». C'est lui qui note ça. Il est vrai que le studio ne sait pas trop comment le maquiller. Il faut cacher cette espèce de calvitie qui devient vraiment handicapante. Ses rôles sont donc dans un premier temps secondaires. Dans son deuxième film, il danse avec une jeune actrice à la chevelure épaisse et aux grands yeux clairs, dotée d'un visage un petit peu effronté. La célèbre Ginger Rogers. Fred l'a déjà croisée à New York. La revoir lui fait visiblement très plaisir. Et tout de suite, devant la caméra, ce couple a priori un peu improbable fait merveille. Le timide Fred et la piquante Ginger crèvent l'écran. Le studio décide à ce moment-là de reformer ce couple, cette fois en vedette. Fred aurait voulu ne pas être de nouveau attaché à une partenaire. Seulement, que voulez-vous, devant le diktat des studios, pas moyen de reculer. Il cède. C'est le début d'une série de 9 films pendant toutes les années 30, et notamment parmi ces films, l'entreprenant Mr. Petrov, dans lequel on entend ceci. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. Oh no, they can't take that away from me, the way your smile just beams. De film en film, Ginger et Fred séduisent l'Amérique, lui donnent des envies de danser, de fredonner. Ils créent des chansons de Gershwin, d'Irving Berlin, qui vont devenir des classiques hein, de toutes ces chansons. L'image du danseur en chapeau de forme et queue de pie va marquer l'inconscient collectif. Ils ont l'air inséparables, Ginger et Fred, comme l'avaient été Fred et Adèle. On prête à l'actrice Catherine Hepburn ces mots. Il lui donne de la classe, elle lui donne du sex appeal et c'est tellement bien vu. Problème, il y a quand même entre les deux beaucoup de tension, un risque aussi de lasser et de se lasser. Fred cherche à évoluer, Ginger ne veut pas se cantonner aux comédies musicales, elle veut démontrer qu'elle est une comédienne à part entière, ce qui veut dire délaisser un peu le genre et donc délaisser Fred. Ainsi, le danseur, après sa sœur, fait l'expérience d'un nouvel abandon. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h pour finir la semaine en beauté et en musique, vous nous emmenez, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire de Fred Astaire. Alors, on l'a vu il y a quelques minutes, Fred Astaire et Ginger Rogers viennent de se séparer après plusieurs années décidément. Ensemble. Alors, c'est David Chipman qui le raconte. Astaire chercha une nouvelle partenaire. Cela ne devait pas être facile car il était, selon les mots de Ginger, une sorte de tyran, de perfectionniste. Il était toujours un peu énervé contre moi car ma concentration n'était pas aussi forte que la sienne dans ce que nous faisions. C'est vrai qu'il y a quelque chose de quasiment inhumain dans la concentration extraordinaire de Fred Astaire. Alors, quels que soient les doutes de Ginger, les studios vont très vite trouver d'autres actrices pour danser avec le maître. Là, on est maintenant dans les années 40. Hein. Et quand je dis d'autres actrices, pas des moindres, puisqu'il va tenir plusieurs fois l'affiche avec Rita Hayworth, figurez-vous. En 1945, la MGM lui propose un numéro avec celui qui est en train de devenir l'autre roi de la comédie musicale dans un genre un peu différent, un petit peu plus moderne, Gene Kelly. C'est la rencontre donc de deux styles. Le style hyper léger des années 30 chez Fred, le style plus athlétique des années 50 chez Gene. Alors, ça peut aussi ressembler, on pourrait dire ça, années 30, années 50, à un passage de relais. Et il est vrai que de plus en plus, Fred a des envies d'autre chose. En 46, il décide de prendre sa retraite à 47 ans. Est-ce que c'est quand jeune, même la fin d'une carrière? Non, pas vraiment. Car peu après, Gene Kelly, qui prépare le film Parade de printemps, se casse la cheville. Pour la MGM, qui a déjà dépensé énormément d'argent dans cette affaire, alors ça c'est vraiment la catastrophe, et le studio va demander à Fred s'il serait d'accord pour reprendre un petit peu de service. Et bien sûr qu'il dit oui. Il faut dire qu'il s'ennuyait quand même un petit peu hein, dans la marge des studios. Ça lui permet de jouer, de chanter, de danser avec la grande star musicale de la MGM, Judy Garland. Et comme lui, elle a commencé, elle, enfant dans le vaudeville. Or, le film est justement un hommage à cet univers en demi-temps. Teintes qu'ils ont l'un et l'autre si bien connues. Parade de printemps, c'est aussi l'occasion pour Fred de jouer avec son image de danseur tiré à quatre épingles puisque lors d'un numéro avec Judy Garland, il interprète avec délectation les vagabonds complètement déguenillés. We would drive up the avenue but we haven't got the price. We would skate up the avenue but there isn't any ice. We would ride on a bicycle, but we haven't got a bike. So we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue. And to walk up the avenue's what we like. Triomphe, triomphe extraordinaire, le public en redemande et la MGM met donc en chantier d'autres films avec Judy Garland. Mais la santé de l'actrice a tendance à flancher à cette époque. Judy doit être remplacée, mais par qui ? Et une idée s'impose à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on ne recréerait pas le duo légendaire de Fred et Ginger Rogers ? Ça va être leur 10e collaboration à la toute fin des années 40. Vous imaginez le moment de grâce extraordinaire. Le danseur ensuite ira poursuivre sa carrière. Et il se renouvelle hein, encore et toujours. Et notamment en 1953 avec Tous en scène que j'évoquais au début de ce récit de Pierre-Louis Lancel. Dans ses films suivants, on va le voir danser avec Audrey Hepburn ou avec la française Leslie Caron. Mais disons-le, le genre de la comédie musicale au sens classique hein, est en train de perdre un petit peu de terrain au fil des années 50. Fred ne prend pas pour autant sa retraite puisqu'on va le voir dans les décennies suivantes interpréter des rôles dramatiques. Il va tourner comme ça jusqu'en 1981. 6 ans plus tard, en juin 87, alors qu'il a 88 ans, il finit, j'allais dire, par lâcher la scène. Il meurt, bien entendu, Fred Astaire, en juin 87, je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Le monde entier a rendu hommage à ce danseur tellement extraordinaire, le danseur à la queue de pie, au chapeau haute forme, le danseur qui pouvait par sa grâce, par son élégance, transporter d'un coup des millions de spectateurs au paradis. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Fred Astaire a emporté avec lui quelques-uns de nos meilleurs moments, tout simplement. Bonjour Alain Rioux. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Est-ce qu'on peut dire de Fred Astaire qu'il n'a pas pu être remplacé? Est-ce qu'il est l'archétype de l'acteur irremplaçable, à votre avis? L'acteur, l'artiste. L'artiste et le danseur, c'est hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'il avait en plus un double talent. C'était un immense musicien. Donc, quand on voit Fred Astaire, qui échappe à la pesanteur, c'est un homme qui est aérien à ce point, on ne peut pas. Et je me demandais quand même, comment se fait-il que dans les années 30, brusquement le public mondial s'est entiché d'un homme qui, comme vous l'avez dit, n'était pas très beau, mais qui, en plus, s'habillait comme 30 ans avant. Oui. Comme les grands-parents, c'était déjà totalement démodé. Il était habillé comme en 1905. Voilà. Et je crois que l'explication, c'est une chose, c'est un mot qu'on emploie tout le temps et dont on ne sait pas exactement ce que c'est le style. Et le style, c'est comme l'électricité, on ne peut le définir que par ses effets. Et je pense que le style, c'est faire la même chose que tout le monde, mais infiniment mieux, la même chose que les autres, mais infiniment mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir une comparaison avec l'effet qu'a fait Fred Astaire en apparaissant, eh bien, il faut qu'on imagine Ronaldo jouant brusquement en smoking. Au milieu d'une équipe, il joue parce que Ronaldo, c'est aussi, il faut en convenir, un certain style. Oui, une certaine élégance. Et oui. C'est ça, quelque chose que lui seul pouvait incarner. Alors, triomphe évidemment chez les hommes, tout simplement parce que tous les hommes rêvent d'être des stars hollywoodiennes quand même quelque part, mais il faut avoir la figure. Tout le monde ne peut pas être Gary Cooper, alors que tout le monde peut se dire les pieds. Je peux avoir les pieds de Fred Astaire. Malheureusement, ça n'appartenait qu'à lui. Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all. That's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It could be Oedipus Rex, where a chap kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work, by the boss who is thrown for a loss, by the skirt who is doing him dirt. The world is a stage. The stage is a world of entertainment. Jusqu'à 15h pour terminer la semaine, vous nous emmenez Franck Ferrand au cœur de l'histoire de Fred Astaire. Nous avons tous l'impression de le connaître et pourtant aujourd'hui vous avez invité un homme qui le connaît très bien, c'est Alain Rioux, il est journaliste spécialiste de cinéma. Et oui, c'est l'avantage d'Alain Rioux, c'est qu'on n'a pas besoin de le présenter. Alors, nous avons évoqué jusqu'ici la vie, j'allais dire matérielle, physique de Fred Astaire. Entrons dans sa vie mythique, celle qui est à jamais immortalisée sur grand écran. C'est un homme de cinéma. Insistons peut-être sur cette dimension-là, parce que j'ai beaucoup parlé, moi, du théâtre, du vaudeville, des représentations dans des salles, mais c'est un homme de la pellicule, Fred Astaire. Oui, absolument, oui. C'est-à-dire que tous les films de Fred Astaire, y compris ses films en noir et blanc, qui avaient des metteurs en scène, d'ailleurs fort peu connus en général, et qui étaient vraiment des hommes de studio qui n'étaient pas des metteurs en scène, mais des metteurs en place, tous ces films se ressemblent énormément, c'est-à-dire ont en commun le style, non seulement son style de danse, mais un style qui fait qu'on les reconnaît tout de suite, même dans les périodes qui ne sont pas dansées. Et ça, c'est Fred Astaire, parce que c'était lui le créatif. Effectivement, à l'époque, on procédait par duo. À l'époque, le cinéma comique était encore avait besoin d'être tout à fait nettoyé, était l'héritier, c'est-à-dire le cinéma parlant est devenu l'héritier justement de ce que vous appelez le vaudeville, du music hall et d'un théâtre de boulevard un petit peu. Le théâtre de boulevard a souvent du retard sur son époque. Et à l'époque, par exemple, dans les films, dans les comédies, il y avait un jeune premier qui était là pour être beau et un comique qui était là pour faire rire. Fred Astaire a assumé les deux. Les deux, c'est sûr. Un des premiers qui a dit « mais il faut faire rire ». Et il a vraiment aimé du cinéma cette façon dont la caméra peut parfois aider l'envol. Est-ce qu'on peut dire que ces grandes comédies musicales ont modifié un peu la façon de tourner aussi? Parce qu'alors, on s'est mis à faire des travelling incroyables. Oui, c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas fait sans cela. Absolument, oui. C'est-à-dire qu'avant lui, il y a eu un grand créateur de danse qui était Busby Berkeley. Mais Busby Berkeley faisait des danses collectives. C'est-à-dire, c'est un inventeur incroyable, mais pour lui, il utilisait les danseurs et les danseuses pour faire des images. Il en mettait 400 à la fois. Et d'ailleurs, dans le premier film important de Fred Astaire, qui s'appelle Flying de Carioca, c'est-à-dire Volons vers Rio, il y a Fred Astaire. Volons vers Rio, c'est le titre un peu bête en français. Oui. C'est tellement mieux Carioca, mais bon. Mais dans ce film, donc, dont Fred Astaire et Ginger Rogers ne sont pas les stars, la première scène qui a également contribué à enthousiasmer le public, on voit sur les ailes d'un biplan, sur les ailes d'un avion, six girls qui lèvent, qui sont debout en plein ciel et qui lèvent la jambe. Et ça, c'était l'idéal de ce que pouvait être la danse à la façon de Busby Berkeley. C'est-à-dire un spectacle de mouvement, mais dans lequel il s'agissait d'étonner. Et Fred Astaire, lui, a apporté la beauté, est revenu à une simplicité énorme. C'est-à-dire, ce qui est amusant, c'est que avec son chapeau de forme, etc., Fred Astaire est un acteur totalement populaire. C'est-à-dire, quand il chante comme tout le monde. Quand il danse, ce sont des danses que pouvaient aller faire le samedi soir les jeunes travailleurs américains. C'est ça reste quand même des danses, même si elles sont divinement réalisées, ça reste quand même accessible d'une certaine tout manière. Tout à fait, et c'était des danses populaires, et c'était des danses d'ailleurs qui venaient des Noirs. Il l'a dit, il l'a fait, vous faisiez allusion à une espèce de séparation un petit peu de style entre le jeune Fred Astaire et sa sœur Adèle. C'est tout simplement que Fred Astaire, dans les années 20, a découvert le jazz. Oui. Et ça, le jazz, ça a été absolument fondamental. Le swing, les mouvements de la rue, d'une certaine manière. Le mouvement de la rue, l'influence du jazz sur la danse noire, sur Bill Robinson, le célèbre Bojangle, qui a inventer les claquettes, il faut bien le dire. Donc que Fred Astaire n'a pas imité, mais que Fred Astaire a vécu en amitié avec lui. D'ailleurs, Fred Astaire a eu des problèmes à Hollywood parce qu'à l'époque, l'Amérique était très très séparatiste encore, et on lui a reproché à Hollywood de vouloir mettre des musiciens noirs. Et il y a un film qui est très intéressant pour ça. Fred Astaire a exigé que l'on voie les musiciens de jazz, qui étaient presque tous noirs, et Hollywood, à l'époque, on entendait leur musique, mais on ne les voyait pas à l'écran. Oui, il a dit, c'est slap that bass. Il a dit, moi, je veux qu'on les voit, et on les voit, c'est formidable. Et dans ce film, il rend aussi un hommage à Bojangles en se grimant en noir et en dansant merveilleusement. Alors, ça, c'est, il est déjà devenu à ce moment-là une star du grand écran. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après avoir été une très grande vedette à Broadway, célèbre dans tous les États-Unis et dans toute l'Angleterre, il doit redémarrer à zéro quand il arrive à Hollywood. Ça, c'est très, très curieux, mais c'est vraiment, il y a deux Amériques. Il y a une Amérique de New York, une Amérique de la côte Est, qui est cultivée, très européenne. Et Fred Astaire avait cette image très, très européenne. Donc, et une image à l'Ouest qui a très peur de ça. Vous savez, c'est une des grandes, c'est un des grands problèmes de Hollywood. Oui. C'est la raison pour laquelle John Ford a toujours, dans ses entretiens, fait l'imbécile, pour laquelle Hitchcock n'a jamais voulu donner des entretiens sérieux aux journaux, parce que il y a sinon ce que l'on appelait, et mis au banc, c'est ce qu'on a appelé le syndrome Orson Welles. Ensuite, Orson Welles s'étant passé pour un intellectuel, immédiatement, l'Amérique profonde sans n'est détour, plus allée voir ses films. Ça, donc, pour le Hollywood, c'était très, très important d'effacer cette image. Et il est tout petit. Et néanmoins, il était célèbre. Mais ce qui est très curieux, c'est le tout premier film de Fred Astaire, qui s'appelle Le tourbillon de la danse, dans lequel on le voit 3 minutes. C'est un film avec, je crois, John Crawford et Clark Gable, qui, et à un certain moment, John Crawford veut faire de la danse, et on fait venir le plus célèbre danseur du monde. C'est Fred Astaire qui vient expliquer, ça dure 3 minutes, qui vient faire un petit numéro, qui vient dire, c'est ça la danse, et il s'en va. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas considéré comme un acteur. Comme un, et juste après, il fait ce fameux Flying Down to Rio, mais sans l'espèce de triomphe qu'a été ce succès, jamais il n'aurait pu, il serait retourné à Broadway. Alors, ce n'est pas Federico Fellini qui va dire le contraire. Avec Ginger Rogers, ils ont formé une sorte de couple cinématographique idéal, en fait. Oui, alors, là, vous avez cité cette phrase absolument géniale de Catherine Hepburn. Oui. Qui est très, très intéressante. C'est-à-dire, elle lui apportait le sexe et lui apportait le style. Il se trouve que Fred Astaire, et c'est d'ailleurs une des raisons, il faut bien le dire, pour laquelle il ne s'entendait pas, c'est que Fred Astaire n'embrassait pas. Et pourquoi ? Fred Astaire était très, très aimait les femmes. Il a eu une histoire d'amour merveilleuse. C'est avec sa première femme. Ça a été. Et s'il a accepté de revenir à la danse après l'accident de Gene Kelly, c'est aussi parce que sa femme venait de mourir et qu'il s'est dit peut-être que le seul moyen... Il était mort de chagrin. Judy Garland a dit qu'entre les scènes, il pleurait. Oui. Mais ça lui a redonné du tout. Donc, lui avait appris à danser, faisait un couple avec sa sœur. Alors, comme tout le monde le savait, évidemment, il ne pouvait pas lui rouler des pelles. Donc, il faisait en général les scénarios, tenait compte de ça. Très souvent, il était censé être le surveillant. Sa sœur était flirteuse dans les pièces. Donc lui était là pour surveiller un petit peu, enfin c'est des rôles impossibles. Et lorsqu'il est devenu danseur d'amour, c'était un couple de toujours romance. D'amoureux, de romance, eh bien il restait sur la réserve. Ce qui est le côté sexe était donné évidemment par Ginger Rogers, qui, elle, était vraiment ce qu'on appelle une bombe. C'est une Marilyn Monroe 10 ans avant. Elle était d'une beauté et d'une sensualité énorme. Parlons des films maintenant, si vous voulez. Top Hat, Parade de printemps, La mélodie du bonheur. Allez, entrons dans la danse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'un des plus grands danseurs du XXe siècle, Fred Astaire, mais un homme qui a marqué aussi l'histoire du cinéma. Nous recevons aujourd'hui le grand spécialiste de cinéma Alain Rioux et nous allons ensemble revoir la filmographie d'un Fred Astaire. Cette filmographie, on pourrait presque la recommander comme un baume. C'est-à-dire quand vous allez mal, vous regardez 3-4 films de Fred Astaire et vous allez voir, je vous promets que ça marche, vous allez vous sentir d'un seul coup. Mieux que les antidépresseurs. Deux choses qui peuvent vous guérir de toutes les... Il y a Fred Astaire dansant et Louis Armstrong chantant. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est très très proche parce que l'importance du swing est considérable. L'importance. Et quand je dis que Fred Astaire était un musicien, il va capter la magie du monde, ce swing. Oui, mais dans presque tous ses films, il joue de la percussion. C'est-à-dire, c'est un batteur formidable, mais vraiment formidable. Et en même temps, il joue du piano comme personne. Il joue très très bien. Il aurait tout à fait pu faire carrière. Et d'ailleurs, quand il a renoncé au cinéma, parce qu'il ne voulait plus être ridiculement dansé, il a fait des émissions de télévision pour promouvoir le jazz, dans lequel on le voit avec Count Basie, avec des gens comme ça. Et donc, cet homme qui avait avalé une boîte à rythme, qui ne touchait pas... Mais ça a été dit, je me souviens, Leslie Caron m'a dit un jour, mais on avait toujours l'impression qu'il entendait de la musique dans lui, qu'il entendait du jazz dans lui, et quand il marchait, quand il essayait, toujours comme dans ça. Dans une sorte de rythme inné, oui, en quelque dans sorte. Un inné, alors, oui. Dans un premier temps, les premiers grands films sont simplement la transposition à l'écran de spectacles, disons les choses. Top Hat, ça ne va pas chercher très loin quand un même. Un petit peu indirectement. Top Hat, c'est la première version de ce que va être Tous en scène plus tard. Mais et curieusement, il avait joué au théâtre Tous en scène, mais ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire, la comédie musicale, il faut bien le dire, a eu des problèmes de thème. 9 fois sur 10, au cinéma, on mettait en scène des spectacles qui se créaient, les répétitions, les choses comme ça. Et c'est souvent d'ailleurs Tous en scène au cinéma, c'est l'histoire. Et c'est absolument formidable. Mais très souvent, les scénarios étaient bâclés. Alors qu'ensuite, on va avoir des scénarios plus fins. Bien sûr. Parade de printemps, c'est un régal. Oui, oui. Et les 10 films qu'il a fait, les 9 films qu'il a fait avec Ginger Rogers et les 2 ou 3 films qu'il a fait avant, ces 2 films avec Rita Hayworth sont sublimes parce qu'elle danse sublimement. Rita Hayworth, elle ne danse pas, elle saute. Voilà. Qu'elle invente. Elle est incroyable, elle. Oui, oui. Mais c'est merveilleux. D'ailleurs, Fred Astaire l'adorait. Mais ce sont des films totalement idiots, il faut bien le dire. Vous savez, les Américains ont un mot pour ça, c'est silly. S-I-2-L-Y, ça veut dire idiot et réjouissant à la fois. Mais Fred Astaire, ça l'embêtait. Parce que Fred Astaire était un type qui, à force de réflexion, de lecture, d'exigence, était et d'amitié avec des gens comme Gershwin, avec gens comme qui étaient très, très cultivés, qui étaient un petit peu comparables, si vous voulez, dans l'esprit, à ce qu'était Woody Allen plus tard, c'est-à-dire vraiment un peu des intellos, un peu des... Et avaient envie de faire des films un tout petit peu plus intelligents. Et Parade de printemps, il a lui-même un tout petit peu apporté à Parade de printemps en faisant en sorte que le rôle de Judy Garland ressemble à celui de sa sœur. Parce que sa sœur était une danseuse comique. Et dans ce film, Judy Garland fait des grimaces, fait des trucs, et ça prend une espèce de conscience de soi. Et alors, très souvent, les films de la deuxième génération, si vous voulez, à partir des films en couleur, ça devient un tout petit peu, c'est assez fascinant, des réflexions sur justement ce qu'ont été. Degré, hein. Et le côté deuxième degré, dans ce film très très étrange qui marque le retour, sans suite d'ailleurs, de Ginger Rogers et de Fred Astaire, qui s'appelle en français « Entrons dans la danse », c'est le personnage de Ginger Rogers. C'est fascinant parce que c'est elle. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une danseuse qui fait des vaudevilles, qui danse, et avec Fred Astaire, et qui a envie de devenir une grande actrice. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. Voilà, c'est une mise en abîme. Et chose curieuse, c'est que le grand acteur français... qui s'appelait Jacques François, vous savez, qui est une idole, truc, joue dans ce film et joue un jeune auteur d'avant-garde et en cachette de son mari, Ginger Rogers va jouer une pièce qui raconte le concours du conservatoire de Sarah Bernhardt. C'est-à-dire, c'est une construction en abîme totalement, et c'est fascinant, et c'est très drôle, et c'est un film qui, malheureusement, a des allures qui, vous savez, il y a un côté kitsch dans la comédie musicale qu'il faut franchir. C'est comme, enfin, tous les plaisirs, il faut d'abord passer par un tout petit peu, il faut franchir une barrière, et après ça, on les apprécie énormément. Okay. Ce qui est étonnant, c'est que ces films qui aujourd'hui sont considérés sans doute comme ce que l'Amérique a produit de plus raffiné, n'ont pas été tellement récompensés. Lui, en tout cas, Fred Astaire, en tant que grand danseur, n'a pas eu d'Oscar ou de choses de ce genre. C'est quand même étonnant. Que s'est-il passé avec Hollywood, si je puis dire ? Il s'est passé avec Hollywood qu'il n'y avait pas de section, musique. Ah oui. Et qu'il en est un petit peu de la comédie aussi. Vous savez, on dit que les grands comiques sont les comiques morts, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et les grands danseurs sont appelés danseurs morts aussi. Et quand même, dans les années 50, au début des années 50, Hollywood s'est aperçu de l'injustice qu'il y avait à ne pas couronner cette personnalité immense et lui a donné une espèce d'Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre qu'on croyait alors terminée. Comment il a vécu la fin de la comédie musicale quand il a vu dans les années 50 que le style était en train de disparaître? Oui, mais ça, vous savez, Franck disait tout à l'heure, lisait cette jolie chose, il disait, Fred Astaire, le petit Fred Astaire, dansait comme on joue, ou jouait à être danseur. Donc il y a eu cette bonne humeur de caractère qui a été pour lui on ne trouvera jamais dans tout ce qu'a pu faire, dire, écrire Fred Astaire une trace d'amertume. L'ombre d'une amertume. Pour lui, c'était plus facile la fin de la comédie musicale parce que c'était également sa fin. Il avait l'âge de terminer. Pour Gene Kelly, ça a été plus dur. Ah oui, il était plus jeune, lui. J'aimerais dire sur la fin, on a expliqué 100 fois la fin de la comédie musicale, à la Fred Astaire, à la Gene Kelly, par des conditions économiques difficiles, etc. Et pourtant, Hollywood a mis énormément d'argent dans énormément de films, etc. Un jour, j'ai demandé, c'est un truc qui ne me satisfaisait pas, j'ai demandé à Sid Charis. Et elle m'a dit, mais vous savez, la fin de la comédie musicale, c'est la fin du jazz. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 50, le jazz est devenu le jazz, pas le jazz moderne, mais le free jazz, beaucoup moins public. Et elle m'a dit, on ne pouvait plus danser là-dessus. Quand vous ne savez pas, vous avez bien compris, vous faites comme Alain Rioux, vous demandez à Leslie Caron ou à Sid Charis. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Tous les vendredis dans Au cœur de l'histoire, pour bien préparer le week-end, nous vous proposons un coup de cœur. Aujourd'hui, il est musical, nous accueillons donc Thierry Geffrotin. Et oui, et le studio vient de se plonger dans l'obscurité. La poursuite s'est calée sur le haut des marches et le voici avec son haute forme, sa jaquette et ses souliers vernis. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck. Vous aimez beaucoup la comédie musicale, vous aussi. Ah oui. Oui, je trouve que c'est un genre majeur et c'est aussi une belle passerelle entre la musique classique, on va dire ça comme ça, et la musique populaire. On a oublié de parler d'Hermès Pan qui a été le chorégraphe de Fred Astaire. Il ne faut quand même pas l'oublier parce que c'est lui qui lui a soufflé quelques-uns de ses tours, si je puis dire, les plus fabuleux. Vous nous emmenez dans une autre musique, dans la musique éternelle, absolue, classique et merveilleuse de Wolfgang Amadeus. Oui, avec une publication exceptionnelle. C'est une toute petite maison d'édition française qui s'appelle les Éditions des Saint-Pères, qui vient de publier un fac-similé, donc la reproduction à l'identique, d'un cahier musical que Mozart... Les Saint-Pères publient régulièrement des facsimilés la recherche du temps perdu, de toutes sortes de choses. Mais là, on est à mi-chemin entre l'écrit et la musique, puisque Mozart, entre 1784 et 1791, l'année de sa mort, donc pendant 7 ans, et il est mort à 35 ans, je vous le rappelle, à peine 36 ans, a tenu un cahier où il notait ses compositions. On a un peu plus de 140 compositions, et donc c'est ce facsimilé qui vient d'être édité, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez à l'identique, tel que c'est dans le vrai cahier qui est à la British Library à Londres. À gauche, Mozart a noté le nom de l'œuvre. En général, il met aussi l'instrumentation, etc. Et à droite, vous avez de la main de Mozart quelques notes de musique. Il a tracé des portées. Et voilà, c'est une reproduction à l'identique. Et vous avez le premier morceau qui apparaît en 1784. C'est un concerto pour piano. Alors en l'occurrence, là, on peut le suivre sur la partition. En l'occurrence, j'ai pris le dernier mouvement. Mozart. Voilà, j'ai pris le dernier mouvement. Mozart a noté les premières notes de son premier mouvement. Vous avez entre 84 et 91, vous avez absolument tous les chefs-d'œuvre de Mozart. Vous avez notamment Don Giovanni en 1787. Donc voici un petit extrait de Don Giovanni. Vous avez l'ouverture qui est notée. Là, j'ai pris un air célèbre. Formidable. Mais alors on suit ça. C'est... Quand on dit de la main de Mozart, il avait quand même des copistes, j'imagine. Ah non, alors là, c'est lui. C'est lui. Vraiment lui qui a tenu ce cahier. Incroyable. C'est un cahier qui lui tenait vraiment à cœur. Et ce qui est très émouvant, c'est de voir que... Il n'y a pas la main de Süssmayr quelque part. Non, pas du tout. Alors, je ne figure pas, justement, par Süssmayr qui a terminé le Requiem, ne figure pas le Requiem parce qu'il a noté sur ce cahier uniquement les œuvres achevées. Ce qui est très émouvant, c'est la dernière page où vous avez tout simplement la flûte enchantée, le concerto pour clarinette, la clémence de Titus et sa dernière œuvre achevée, qui est une cantate maçonnique. Plus émouvant encore, vous tournez la dernière page et qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a plus rien. Si, il y a les portées de musique qui attendaient les œuvres à venir que Mozart n'a jamais écrites. Magnifique. C'est une édition limitée, c'est 1000 exemplaires, 180 euros. Si vous aimez un peu Mozart, je vais dire même si vous courrez Mozart, à la librairie. Courrez acheter ce facsimilé absolument extraordinaire. Merci beaucoup Thierry. Écoutez, pour commencer ce week-end de printemps, nous avions en réserve Fred Astaire et Mozart. Je suis désolé, on n'arrive plus à trouver mieux. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.